Ndikomanyanga. Rukwimana sur la maison en onde, bienvenue chers auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro Asso. Journal d'abord, les titres. Le ministère de l'Intérieur prend acte des conclusions du récent congrès extraordinaire du Parti Congrès National pour la Liberté tenu à Ngozi. L'on peut lire, ceci est confirmé par une lettre adressée ce lundi à l'honorable Immaculé Natoba Kimvuna, doyen d'âge du bureau politique de 2019, ayant dirigé ce congrès. Grogne d'une dizaine de familles de la colline Kabumba, en zone Ruyaga de la commune Kanyosha, en province de Bujumbura, qui n'ont pas encore perçu les indemnisations pour leurs maisons et cultures se trouvant sur le couloir des hautes tensions en provenance des barrages Jiji et Mourembe. 69 femmes souffrant de la fistule obstétricale se font soigner maintenant au centre Urumuri situé dans les enceintes de l'hôpital régional de Gitega. Des médecins spécialisés dans ce domaine venus des États-Unis d'Amérique appuient le seul médecin burundais dans cette activité. Bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le parti prenant trouve que les mésententes qui persistaient au sein de son parti dans le passé ne faisaient que le détruire d'une manière ou d'une autre. Le président de ce parti réagit sur base des querelles s'observant au sein du parti CNL, indiquant que le dialogue est le seul moyen qui accuse sa formation politique vers le rassemblement qui arrive, selon lui, à un niveau satisfaisant. Une occasion pour Olivier Nkurunziza d'appeler le parti CNL d'emboîter le pas et au ministère en charge des partis politiques d'éviter toute partialité dans cette affaire. Olivier Nkurunziza, président du parti Prona. Le président du CNL avait écrit une lettre au ministre de l'Intérieur lui demandant l'autorisation de tenir un congrès pour résoudre définitivement ce problème. Mais le ministre lui a répondu que c'est pas acceptable, qu'il n'avait pas encore résolu, il n'avait pas encore trouvé une solution avec ses membres du bureau exécutif. À notre grande surprise, nous avons constaté qu'il y a eu un congrès qui s'est tenu à Ngozi. Ce que je ne savais pas seulement, c'est que ce congrès s'est tenu après avoir effectivement vidé ce conflit. Ce que je conseille au niveau du CNL, le parti Iprona a de l'expérience, a vécu de cette situation pareille. Nous avons vu que cela n'amène aucun intérêt au parti, sauf que et de détruire eux-mêmes leur parti. Alors, ce que nous conseillons au président, l'honorable Gwasa, c'est accepter de s'asseoir ensemble avec les membres du bureau exécutif aujourd'hui et résoudre leurs différends. Parce que, au niveau du parti Iprona, au niveau du rassemblement, nous avons constaté que nous avons perdu tous. Que personne ne se dise qu'il a gagné, parce qu'il y avait des personnes qui ont allé dans les coalitions, dans d'autres partis politiques. Alors on s'est ressaisi, on a dit de s'asseoir ensemble, on a discuté pour voir effectivement nos problèmes internes. Alors nous sommes en train de nous rassembler. Sinon, d'autres choses qu'on peut faire, ça amène le parti au gouffre. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau du parti Prona, nous sommes les partisans du dialogue et de la négociation. Au ministre de l'Intérieur, de les aider plutôt, de trouver une solution, au lieu de prendre parti dans un groupe et les soutenir. Alors, le ministère de l'Intérieur a le devoir et l'obligation d'encadrer les partis pour que la démocratie soit une réalité au Burundi. Malgré cet appel du président du parti Iprona, le ministère de l'Intérieur prend acte des conclusions du récent congrès extraordinaire du parti Congrès national pour la liberté. Dans une lettre adressée ce lundi à l'honorable Immaculé Natoba Kimvuna, doyen d'âge du bureau politique de 2019 ayant dirigé ce congrès, Martin Iteretse, à la tête de son ministère, reconnaît M. Guirukusha Kanestor comme président et représentant légal du dit parti. Les fidèles d'Agathon Rwasa se sont vus empêchés de participer dans ce congrès tenu en date du 10 mars 2024 en Gossi. Plus de 15 familles de la colline Kabumba en zone Ruyaga de la commune Kanyosha en province de Bujumbura plaident pour les indemnisations pour leurs maisons et cultures se trouvant sur le couloir des hautes tensions en provenance des barrages Djidji et Mouremgue. Ces familles qui disent avoir réclamé leurs droits depuis 2019 déplorant qu'actuellement, en cas de réclamation, ces travaux sont conduits sous contrôle des éléments de la police. Au niveau de l'administration communale de Kanyosha, l'on rassure qu'aucune famille ne sera expropriée sans être indemnisée. Les détails avec Placide Denis Mungere qui s'est rendu sur les lieux. Il s'agit là des habitants de la localité dite Kunhoho, de la colline Moussave, en zone Ruyaga, de la commune Kanyosha, en province de Bujumbura, frontalière à Kamesa, à plus de 2 km de la zone urbaine de Moussaga. Ils ont de commun un problème d'indemnisation sur leurs biens, maisons et cultures se trouvant dans le couloir des câbles électriques à haute tension en provenance des barrages Jiji et Mouremgue. Il regrette que depuis 2019, au commencement de ce projet, des promesses d'indemnisation restent une histoire. Ils ont ravagé mes champs de manioc et d'arachide. Voilà que ces câbles-ci viennent d'eau passer au-dessus de ma parcelle et de mon champ. Mes deux champs donc sont déclassés. Je demande que mes efforts soient en contrepartie récompensés par des indemnisations. Ça fait plus d'une année de l'installation de ces pylônes. Voilà qu'ils sont en train de poser des câbles électriques sans qu'il y ait au moins des fondations des nouvelles maisons. On a pu adresser nos doléances car les concernés ne s'en renvoient. On m'a donné 1 million pour chercher une parcelle à bâtir, ce qui est impossible. On m'a dit d'adresser ma correspondance aux échelons supérieurs. Ça a été classé lettre morte. On m'a rien donné et on m'a dit de démolir les maisons. On risque de se retrouver en situation de rue avec nos enfants. Ces familles qui ne voient plus à quel sens se vouer déplorent qu'en cas de réclamation, ces derniers jours, des éléments de la police se présentent sur les lieux pour superviser les travaux de câblage. La police est venue à notre recherche sur convocation de l'administrateur et s'est adressée à nos femmes. Auparavant, nous croyons qu'il s'agissait d'une affaire transparente pour nous indemniser. Nous sommes plus préoccupés par le déploiement de ces agents de la police ici au lieu d'avoir au moins l'administrateur pour nous rassurer. Nous voulons que nos droits soient établis et quitter aisément ces zones à risque. Sur ce, Mounez Eroemé Pacifique, en charge des questions économiques et du développement commune Kanyosha, justifie que le retard de ces indemnisations a été aggravé par la résiliation du contrat de la société qui devrait s'occuper de la construction de nouvelles maisons en remplacement de celles qui se trouvaient dans les châteaux de ces installations. Mais ce conseiller communal rassure que la population victime sera rétablie dans son droit. Et pour la présence de la police sur les lieux, Mounez Eroemé Pacifique explique qu'il s'agit d'une façon de limiter des querelles et martèle qu'aucune personne ne sera arrêtée. Ça fait plus de 3 semaines qu'on a initié les discussions avec ces familles. Un jour, l'administrateur les avait invités pour échanger sur la poursuite de ces travaux. D'un coup, nous avons constaté qu'ils étaient de retour pour empêcher les travaux. Ces policiers ont été dépêchés pour éviter des querelles entre eux et les employés de la société. À cet effet, nous rassurons qu'aucune personne ne sera arrêtée. Ces familles de la colline Moussave en commune Kanyosha viennent s'ajouter à plus de 20 ménages de la colline Gishingano en commune Isale dans la même province de Bujumbura qui réclament pour la même cause des indemnisations suite à ce projet d'électrification de Jiji Mouremgue. L'on n'a pas encore eu la réaction de la régie des eaux à ce sujet, mais répondant aux lamentations des habitants de la colline Gishingano en commune Issare qui plaidaient pour la même cause au début de ce mois de mars. Le directeur général de la régie des eaux a rassuré que toutes les familles touchées par l'exécution de ce projet Djidji Mouremge seront indemnisées avant la clôture du projet. À défaut, a précisé Jean-Albert Manigomba, ceux qui seront lésés auront droit de se confier aux organes habilités. On l'écoute. Il y a ceux qui n'étaient pas concernés par ce projet auparavant. Nous avons à cet effet dépêché nos équipes pour identifier ceux qui n'ont pas été jusqu'ici indemnisés pour les rétablir dans leurs droits. Que la population alors soit rassurée. L'exécution d'un projet constitue un atout pour la population et le développement du pays. Nous ne pouvons pas accepter, en tant qu'une entreprise publique, qu'un projet de développement du pays constitue, à l'inverse, un défi pour la population. La régie des eaux doit satisfaire tout le monde, car ces indemnisations ne proviennent pas de la régie des eaux, plutôt du gouvernement. Donc, le gouvernement doit satisfaire son citoyen. Nous allons alors appliquer à la lettre la loi en rapport avec ces indemnisations. Ceux qui ne seront pas satisfaits pourront alors saisir d'autres organes. Mais je vous dirai que la régie des eaux n'aura aucun intérêt de ne pas satisfaire la population. Cap sur Gitega pour parler santé. 69 femmes souffrant de la fistule obstétricale se font soigner maintenant au centre Rumuri, situé dans les enceintes de l'hôpital régional de Gitega. Des médecins spécialisés dans ce domaine venus des États-Unis d'Amérique appuient le seul médecin burundais dans cette activité. Les détails avec Tchirani Bikisa. Le responsable du centre Urumuri, Dr Jean de Dieu Manirambona, indique que depuis la création de ce centre en 2010 et jusqu'à présent, plus de 3400 femmes souffrant de la fistule obstétricale y ont été déjà soignées. Et maintenant, il y a 69 femmes qui sont sous traitement. Il ajoute que du 10 au 21 courant, il est organisé une campagne de recherche et de traitement par opération chirurgicale des femmes souffrant de la fistule obstétricale avec l'intervention des médecins spécialisés dans son genre de traitement venu des États-Unis d'Amérique. C'est l'association Odizema des Burundaises vivant aux États-Unis d'Amérique qui a cherché et invité ces médecins à préciser Dr Jean de Dieu Manirambona. Quant à elle, Mme Zena Niranyibagira, membre de cette association, a souligné que l'objectif visé est d'un Burundi avec zéro femme souffrant de la fistule obstétricale. Prenant la parole, la première dame Angeline Ndayishimiye a vivement remercié les femmes mais qui sont venus au centre Urumuri pour se faire soigner la fistule obstétricale, tout en lançant un appel vibrant à toutes les autres femmes souffrant de cette maladie, mais qui sont encore dans leur famille, de venir se faire soigner le plus vite possible. Il a en outre expliqué que même les enfants-filles peuvent souffrir de la fistule obstétricale suite à différents types d'accidents. Il a alors demandé aux parents d'appliquer des mesures de prévention, notamment en interdisant à leurs enfants-filles de monter sur les arbres du moment qu'il y a risque de se faire piquer par les arbres et ainsi attraper la fistule obstétricale. C'est au moment où la première dame avait visité ce lundi le centre Urumuri et lui a remis un dos constitué de vivres, des pagnes et du matériel de dignité pour femmes et autres et une somme de plus de 75 000 dollars américains. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour Radio Isangani. Merci à Gérard Nibigira. L'hygiène et l'accès à l'eau potable sont quelques-uns des défis qui hantent ceux qui vivent ou opèrent à l'ancienne plage d'Ikoumassé, aujourd'hui envahie par les eaux du lac Tanganyika. Pour trouver de l'eau potable, ils disent se rabattre sur les parcelles des alentours. Les détails avec Mereka Nyanki. L'accès à cette ancienne plage, aujourd'hui méconnaissable, n'est pas facile. Prenant cette avenue passant devant l'ancienne plage Saint-Tropez, l'on emprunte une allée artificielle faite de sable de part et d'autre de cette allée. L'eau est de couleur noire, elle est nauséabonde. De l'autre côté, elle est jaunâtre, la jacinthe d'eau y a poussé. C'est vers 11h de ce lundi que nous avons pu nous approcher du lac. Les eaux ont envahi cette ancienne plage dite Koumassé. Il y a également une buvette appelée la Baleine Beach, au-dessus de l'eau. L'on a également aperçu de jeunes hommes, une dizaine assis sous un palmier. De part et d'autre, c'est plein d'eau. L'on a également vu des maisons. À l'intérieur, il y avait des gens, des maisons dont l'accès est difficile. Personne n'a parlé sur micro. À la question de savoir d'où ils trouvent de l'eau potable à boire, personne n'a voulu s'exprimer là-dessus sur micro. Après des hésitations, ils nous ont affirmé qu'ils trouvent de l'eau à boire dans les alentours pour prendre douche. Ils disent utiliser l'eau du lac Tanganyika. Et pour ce qui est des lieux d'aisance, ils se gardent de tout commentaire. Merci Amérique Kanyang pour tous ces détails. Les prix de certains produits alimentaires continuent à grimper dans différents marchés de Bujumbura, la capitale économique. Au marché dit Côté Bouce, en zone Ngagara, Le prix au kilogramme des oignons est passé de 4 000 à 6 000 francs dans moins d'un mois chez les vendeurs grossistes. Les commerçants et les acheteurs déplorent cette situation et lancent un cri d'alarme à l'endroit du gouvernement, comme nous l'a reporté notre consoeur Ornella Mouch. Radio Isanganiro, chronique sport. Le paratennis de table est pratiqué par des joueurs vivant avec le handicap physique et le gagnant est celui qui obtient le premier 11 points si le match s'achève sur l'égalité parfaite. L'officiel prend la décision de prolonger la rencontre jusqu'à avoir la différence de deux points. Cassien Bizabigomba, directeur technique adjoint au sein du Comité national paralympique, indique que le match de paratennis est arbitré par un seul arbitre qui collabore avec les officiels chargés de marquer les points. Jean-Marie Vianengenakumana, Chronique Sport. Le paratennis de table est un jeu réservé inclusivement aux personnes handicapées. Il est pratiqué par des joueurs vivant avec le handicap physique qui se rencontrent sur la table de tennis de table. Explication de Cassien Bizabigomba, directeur technique à jouer au sein du Comité national paralympique. Le paratennis de table est comme le tennis de table classique, le tennis de table des valides. Sauf que le paratennis de table est joué effectivement ou inclusivement par les personnes handicapées. Donc, ici, on a déjà parlé de para-tennis de table. C'est un jeu qui est exclusivement dédié aux personnes handicapées. Donc, le para-tennis de table est un jeu réservé aux personnes handicapées. Combien de joueurs au paratennis de table? C'est comme au tennis de table des valides. C'est un joueur contre un joueur, c'est-à-dire un du côté et l'autre du côté, c'est-à-dire deux joueurs sur la table de tennis de table. Cassien Bizabigomba ajoute que le set de paratennis compte 11 points, contrairement à celui de volleyball qui compte 25 points. Combien de points pour gagner le set? D'abord, on compte des sets comme au volleyball. Et le set de volleyball compte 25 points, mais le set au paratennis de table compte 11 points. Et celui qui gagne 2 sets sur 1 ou bien 2 sets à 0. Le directeur technique a joué au sein du Comité national paralympique indique que le match de paratennis est arbitré par un seul arbitre aidé par un autre officiel chargé de marquer les points. Comment on arbitre au paratennis de table? Le paratennis de table est arbitré par un arbitre et un autre officiel qui marque les points. Donc le marqueur, je pourrais dire que le paratennis de table est arbitré par deux personnes. L'arbitre qui suit le jeu et le marqueur. Cassier Bizabigomba précise que les outils utilisés dans cette discipline sont semblables à ceux du tennis classique. La différence entre le para-tennis de table et le tennis de table des valides est que le para-tennis de table est réservé exclusivement aux personnes handicapées. Uniquement que ça. Sinon, la table de para-tennis de table et la table de tennis de table des valides sont les mêmes. Donc, le terrain est le même, sauf que les joueurs sont différents. Donc, pour le tennis de table des valides, ce sont des joueurs valides, mais pour le tennis de table des personnes handicapées ou bien pour le para-tennis de table, c'est exclusivement réservé aux personnes handicapées. Donc, il y a des joueurs qui jouent étant assis sur chaise roulante, d'autres qui jouent étant sur béquille et d'autres qui jouent étant sur prothèse ou orthèse. C'est ça la différence entre les deux jeux, donc le tennis de table et le para-tennis de table. Dans la prochaine chronique sportive, Kansé Bizabigomba expliquera l'état délié de para-tennis au Burundi ainsi que les défis auxquels font face les pratiquants de ce sport. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Rick Wimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikumananga. Bonne suite des programmes sur les ondes de la radio Isanganiro.